Selon les informations en Corée du Sud, le groupe des citadins pour les relations coréen-américaines sur un pied d'égalité comprenant les gens de tous les milieux sud-coréens a livré le 13 une manifestation devant l'ambassade américaine à Séoul pour exiger des États-Unis le retrait immédiat du plan de la disposition de SAD. Ils ont condamné les diplomates sud-coréens, américains et japonais qui ont tenu un conciliabule visant la sanction et la pression contre le Nord le même jour à l'hôtel Lotte à Séoul, car cela complique de plus en plus la dénucléarisation de la péninsule coréenne.